recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cause. Eh bien, à 17h30 cet après-midi, près de la porte Champéret, on fête la naissance, l'anniversaire de la naissance de Bolivar. Bolivar, celui qui, s'inspirant des principes de la Révolution française, de la Révolution de 1789, sut libérer les peuples de l'Amérique latine du joug espagnol. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. C'est la Colombie que l'actualité impose ce matin à notre attention puisque son président a reçu hier, 7 octobre, le prix Nobel de la paix. À vrai dire, les nouvelles qui nous sont venues ces jours-ci de ce pays soufflent le chaud et le froid. Le 26 septembre, on a appris que prenait fin 52 ans d'une guerre civile qui a été la plus longue qu'ait jamais connue l'Amérique latine. 3 générations de combattants. Le président Juan Manuel Santos et le commandant des forces armées révolutionnaires de Colombie, les fameuses FARC, personnages connu sous le nom de guerre de Timoshenko, ont signé un accord de paix de 297 pages. Accord qui avait été négocié durant 4 longues années. Plusieurs chefs d'État, dont Raúl Castro pour Cuba et divers dignitaires étrangers, ont assisté à la cérémonie et ont contribué à en sceller la solennité. Et pourtant, tandis que les observateurs étrangers constataient sur place un soulagement largement répandu, il cheminait en profondeur des indignations intactes. Beaucoup de Colombiens, entraînés par l'ancien président Uribe, qui, quand il était aux affaires et depuis lors, avait incarné une ligne dure contre les FARC, se sont refusés à admettre que des représentants de la rébellion puissent être élus au Parlement et qu'ils ne purgent aucune peine d'aucune sorte. À telle enseigne que le 2 octobre, l'angoisse a succédé à l'allégresse quand on a appris que lors du référendum organisé pour que le peuple puisse ratifier l'accord, les partisans du refus l'emportaient dans les urnes sur le fil selon une infime majorité de 50,21% contre 49,79%. L'espoir n'en demeure pas moins vivace car les guerrilleros qui goûtent au bonheur de la paix ne paraissent pas songer pour l'heure à reprendre les armes. Cette situation paroxystique invite à s'intéresser de plus près à l'histoire d'un pays mal connu en France, accablé qu'il est par un bon nombre de stéréotypes qui tournent généralement autour de la figure sinistre des narcotrafiquants. Pour éclairer les racines de cette conjoncture incertaine, Yves Saint-Jour est mon invité ce matin en direct et en public depuis nos chers, nos prestigieux, nos stimulants rendez-vous de l'histoire de Blois. Yves Saint-Jour est actuellement ambassadeur de France en Espagne, mais c'est comme historien de l'Amérique latine que je le convie car sa compétence est reconnue dans ce domaine. D'où viennent donc ces interminables déchirements dans un pays dont la géographie compliquée offre pourtant des ressources remarquables? La trace ancienne d'une indépendance chaotique, les incertitudes des modes de gouvernement entre anarchie et centralisme, la puissance des forces centrifuges, les déséquilibres sociaux, les problèmes agraires récurrents, ces composantes d'un mal-être collectif exigent d'être scrutées dans le long terme. Non sans qu'on rappelle que si le passé éclaire le présent, comme on le sait ici surabondamment, il ne dessine jamais, heureusement pour la Colombie, aucune fatalité pour la suite. Una oración. Caribe, ah, San Andrés, también a Colombia. Yves Saint-Jour, bonjour. Bonjour. Je vous offre pour créer l'ambiance, il me semble que c'est assez réussi, une chanson qui s'intitule « Colombia Tierra Querida ». On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste de l'espagnol pour comprendre. Non. Il s'agit de la Colombie Terre Chérie, une chanson de Lucho Bermudez, interprétée ici par le chanteur Yuri Buenaventura en 1996. Il s'appelle vraiment Buenaventura, Bonaventure ? En réalité, il a pris le nom de la ville où il est né, Buenaventura, le port sur le Pacifique, le port qui permet à Cali et au Valle de faire partir ses marchandises et ses productions. Et c'est une très jolie salsa, sympathique, qui vient évidemment plutôt de la Caraïbe, mais c'est ça le propre de la Colombie, beaucoup d'autres musiques, vous nous traduisez quelques paroles ? Bien sûr, Colombia Tierra Querida, hymne de fe y de harmonia. Non, je demande de traduire. Hymne de foi et d'harmonie. Alors, il y est question de... Ton sol est une prière et c'est un chant de la vie. Et puis, il y a aussi... Alors ça, c'est pour la nature et puis pour l'histoire. Colombia, tu t'es fait grande par la fureur de ta gloire. Et là, ça fait quelques relations, quelques souvenirs, précisément de la grande geste de l'indépendance. Vous le connaissez, ce chanteur ? Je le connais un peu parce qu'en réalité, c'est un chanteur qui est populaire en France, qui a beaucoup vécu en France. Voilà, c'est pas lui qui a fait cette chanson, mais il l'a chantée. Il a commencé dans le métro et puis il est devenu un peu plus célèbre après, et nettement plus célèbre. Il incarne assez bien, en somme, un contraste qui frappe beaucoup quand on regarde la Colombie entre la méconnaissance de ce pays en Europe et notamment en France et l'intérêt très vif qui me paraît mérité, pas seulement dans la conjoncture actuelle qui est évidemment frappante. Mais oui, c'est un pays très très important d'Amérique latine. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le deuxième pays du monde qui parle espagnol après le Mexique et avant l'Espagne puisqu'il a presque 50 millions d'habitants. Et c'est un pays qui est au fond, pour ceux qui le connaissent bien, une perle, une véritable perle de l'Amérique. Mais voilà, il a connu cette longue histoire extrêmement tumultueuse. Quatre fois la superficie de la France, peut-être convient-il en commençant que vous évoquiez la géographie de la Colombie, car elle a beaucoup pesé dans son histoire, comme il advient souvent, mais particulièrement dans ce cas, me semble-t-il. Alors, c'était la Grande Colombie qui faisait quatre fois la géographie de la France. Maintenant, c'est un peu plus petit, c'est deux fois la superficie. Mais c'est un pays très, très compliqué. C'est un pays très, très compliqué parce qu'effectivement, c'est un pays très compartimenté. Il y a trois cordillères. Il y a évidemment des piémonts amazoniens et de l'Orénoque, il y a la côte, il y a les deux façades. L'une, c'est le seul pays qui ait cette caractéristique en Amérique du Sud, les deux façades, l'une vers la Caraïbe, l'autre vers le Pacifique. Tout est extrêmement difficile pour les transports, pour les relations, et notamment dans le sens est-ouest, parce qu'il y a par ailleurs deux grandes rivières, le Cauca, le Magdalena, qui nord-sud pénètre le pays. Et du coup, toute l'histoire du pays a été conditionnée par ce compartimentage, qui est resté très très très long, encore au début, même au milieu du XXe siècle, pour aller de Barranquilla sur la côte Caraïbe à justement Buenaventura sur la côte Pacifique, on avait plus vite fait de passer par Panama, par le canal de Panama. Donc difficulté de constituer un État, ce qui est un élément fondamental de toute l'histoire que nous allons considérer ce matin. Absolument, une très très grande difficulté à constituer un État. Le pays naît à partir des divisions administratives de la colonie et il connaît d'ailleurs des événements successifs qui montrent qu'il a les plus grandes difficultés à rester uni. Et l'État en Colombie, eh bien, c'est justement ce qui va toujours manquer, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est une des explications de la guerre perpétuelle, en quelque sorte. Une guerre intérieure, pas une guerre extérieure, parce que des guerres extérieures, on n'en a pas connu, mais une guerre intérieure, des guerres civiles qui vont marquer absolument toute l'histoire de la Colombie, avec... de véritables difficultés, parce que chaque guerre construit ou défait les circuits, défait les routes, fait partir les gens. Les gens s'exilent, les gens partent, les gens vont dans les villes où ils colonisent d'autres terres. Et avec aussi de grandes difficultés parce que presque la moitié du pays comporte 4% de la population et l'autre moitié 96%. C'est-à-dire qu'il y a véritablement d'énormes contrastes, d'énormes différences dans ce grand et vaste pays. Quand j'étais petit, il y avait des conférences à la salle Pleyel où on disait Pérou, terre de contraste. Colombie, terre de contraste. Colombie, terre de contraste aussi, c'est vrai. C'est alors, tout à fait vrai. Je voudrais que nous ouvrions notre conversation en donnant la parole à la grande figure de la littérature colombienne, je veux dire Gabriel Garcia Marquez, l'auteur de 100 ans de solitude, qui s'explique sur ses relations avec la Colombie, qui sont déjà, me semble-t-il, assez représentatives d'une complexité. Écoutons-le, c'est un extrait d'Une vie, une œuvre de Mathieu Garrigou-Lagrange sur France Culture, une émission récente, le 24 mai 2014. Cualquiera que haya leído cualquiera de mis libros se da cuenta que yo no me he ido. O si me he ido, no he logrado cortarme el cordón umbilical. Es que yo no me he ido nunca. Toute personne qui aura lu n'importe lequel de mes romans se rend compte que je ne suis pas partie. Ou si je suis partie, je n'ai pas coupé le cordon ombilical. Autre chose est que vive en autre pays. Bien sûr, je vis dans un autre pays. Mais partir, c'est couper les racines. Et moi, j'aurais bien aimé, c'est vrai, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu couper les racines des Caraïbes. Je ne dis pas que j'ai coupé les racines avec mon pays. Je n'ai même pas coupé les racines avec les Caraïbes. Mais il y a bien longtemps que ce problème ne m'inquiète plus. C'est vrai, il y a eu une époque où l'on considérait comme une trahison le fait de ne pas vivre en Colombie. Mais moi, j'ai une réponse toute prête. Quel que soit l'endroit où je me trouve, j'écris un roman colombien. Les éléments de base, tous les thèmes que j'ai développés dans mes romans existaient déjà dans ma tête dès 10-11 ans et l'influence du vallenato, de toute cette culture populaire des Caraïbes est ancrée au plus profond de moi depuis mes toutes jeunes années. Et tu n'as pas envie, quelquefois, de retourner vers les villages. En fait, je le fais, mais ce qui se passe maintenant, c'est que je n'y vois plus rien. Parce que j'arrive et je suis immédiatement entourée d'une multitude qui m'empêche de voir. C'est-à-dire que lorsque j'arrive, les villages ne sont plus les mêmes. Ce sont les amis, les gens qui vivent, qui changent le panorama. Bien sûr que j'adorerais, mais ce n'est plus possible. Bien entendu, c'est la doit arriver aussi dans les villes et pas uniquement dans les villages. C'est le cas par conséquent d'un grand écrivain qui est séparé de la réalité de son pays par sa propre notoriété. C'est un petit peu ça, c'est ça qu'il raconte. Et il faut reconnaître que c'était devenu une espèce d'emblème de la Colombie. Il était parti puisqu'il a beaucoup vécu à l'étranger, notamment au Mexique. C'est là d'ailleurs qu'il a écrit « Cent ans de solitude ». Et à Cuba, de temps en temps. Et il est même venu en France dans les années 50, au moment justement où il y a eu des difficultés politiques. Mais c'est vrai que son village de naissance, Aracataca, c'est ce village des 100 ans de solitude, c'est-à-dire ce temps qui s'écoule, qui est à la fois cyclique, éternel, linéaire, et qui raconte l'histoire de la Colombie, en tout cas de cette Colombie-là, c'est-à-dire celle du Nord, près de la côte caraïbe, dans le Magdalena. Et Garcia Marquez a vraiment exprimé, à travers ce livre, qui est un livre vraiment fondamental de la littérature mondiale et latino-américaine, il a vraiment exprimé, au fond, ce sentiment dont on parle là, maintenant, ensemble, et qui va être celui du recommencement de ces guerres, de ces conflits, à travers l'histoire d'une famille sur 7 générations. Mais ces autres livres parlent aussi de la Colombie ou des Colombiens, parce que... Bolivar en particulier, il y a un fameux livre. Il y a ce fameux livre sur les dernières semaines, les derniers mois de Bolivar, le général dans son labyrinthe, c'est-à-dire le départ de Bolivar de Bogota en mai 1830. Il a perdu le pouvoir, il a démissionné, il décide de partir en Europe d'ailleurs. Et il fait ce chemin qui le mène de Bogota jusqu'à Cartagène, de Cartagène jusqu'à Santa Marta. Et c'est-à-dire, c'est son destin puisqu'il y meurt le 17 décembre 1830. Nous allons retrouver naturellement Bolivar, qui se désespérait d'avoir labouré la mer. Mais auparavant, il faut dire un mot de la spécificité de la période coloniale, Yves Saint-Jour. Période coloniale de la Colombie. En quoi cette période peut marquer aujourd'hui encore les sensibilités et les comportements de ce pays ? Eh bien, c'est très important parce que effectivement, se créent des choses qu'on voit finalement encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on parlait d'un espace compartimenté, mais il y a aussi une société compartimentée. Alors, à la différence de certaines autres sociétés, notamment andines ou mexicaines, elle n'est pas fondamentalement indienne, elle est métisse, elle est très largement métisse, avec quelques zones indiennes et puis aussi des zones d'esclavage. Le métissage a fonctionné, par exemple, beaucoup mieux qu'au Pérou. Oui, beaucoup, beaucoup mieux. Il y a tout le pays, c'est sa singularité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait parfois réfléchir, fantasmer sur le caractère de ce peuple-là. Mais la difficulté, c'est que au fond, ce qu'ont fait les Mexicains avec leur révolution ou ce qu'ont fait les Péruviens par la suite, eh bien, ça n'a pas été fait en Colombie, c'est-à-dire il n'y a pas eu cette espèce de réflexion, d'appropriation de cette histoire, soit de l'indianisme, soit du métissage, pour en faire une espèce de valeur nationale particulière. Et puis, je vous disais, une société compartimentée de domination, avec des grandes haciendas, l'Église, ultra propriétaire d'énormément de terres en Colombie. Puissance formidable et qui restait puissante pendant encore très longtemps. Qui dure encore, mais il y a eu quand même tout un long 19e siècle et une partie du 20e siècle libéral de ce qu'on appelle la désamortisation, la sécularisation des biens, et puis une laïcisation. Il y a eu une laïcisation forte au 19e siècle, sous le coup des libéraux, et puis plus récemment. Mais en tout cas, la période coloniale, l'Église était très très puissante. Mais à cette époque, il y a aussi le fait que ça n'est pas un ensemble bien articulé, parce que les mines d'or commencent à apparaître du côté du Pacifique. Les zones certes, il y a des chemins, certes, il y a des courants de transport et de communication, mais cette zone, qui est une vice-royauté à partir des réformes que les Bourbons font au milieu du XVIIIe siècle, eh bien, c'est la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, ça ne s'appelle pas la Colombie, on y reviendra peut-être une minute tout à l'heure. Il faut attendre la deuxième partie du 19e siècle pour que la Colombie s'appelle ainsi. Cette vice-royauté, elle est finalement très faible. À la fin, on considère que vers 1780, sur l'espace de la Colombie d'aujourd'hui, il y a moins d'un million de personnes. Et un million de personnes sur un tel espace, eh bien, ce sont des petites zones urbaines, des zones d'hacienda, des zones minières, et puis des choses très discontinues. Et Bogota, la capitale, Santa Fe de Bogota, n'est qu'une toute petite ville au moment où se déchaînent les guerres d'indépendance. Une toute petite ville qui ne fait pas beaucoup plus de 20 000 habitants. Dispersion qui est un des éléments fondamentaux d'un pays qui a eu de la peine dans son imaginaire à se considérer comme unifié dans la longue durée. Absolument. C'est l'un des mystères de la Colombie, mais aussi de l'Amérique latine. Ils naissent comme république indépendante, nation, État national républicain très tôt, puisque tout ça se passe au début du 19e siècle, il y a 200 ans maintenant. Mais ils ont du mal, et la Colombie peut-être plus que les autres, à construire véritablement cette identité nationale propre. Il faut dire un mot de l'influence des Lumières, et en particulier des Lumières françaises. Non pas que nous laissions aller je ne sais quel cocorico dérisoire. Non, mais enfin, non. On n'est pas comme ça, ni vous ni moi. Mais c'est très important. Par exemple, on voit l'arrivée de la Déclaration des droits de l'homme. Absolument. Qui est traduite en une centaine d'exemplaires par un personnage qui s'appelle Antonio Nariño. Oui, Nariño, c'est un homme très important de l'histoire de la Colombie. D'ailleurs, le président de la Colombie vit dans ce qu'on appelle le Palacio Nariño. C'est pour ça que je le citais. Absolument, et qui traduit en 1794 la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est vrai que il y a une pénétration des Lumières. Ça s'est fait assez lentement à la fin du XVIIIe siècle. De premiers journaux apparaissent. Il y a un journal qui s'appelle le Papel Periodico de Santa Fe, qui est un, qui commence à être quelque chose qui ressemble à une presse, et au fond à un débat. Des bibliothèques, et, commencent d'arriver. Des bibliothèques, et puis ce que les latino-américains et espagnols inventent, c'est-à-dire les tertulias. Faute de débat libre, il y a des endroits où on cause entre soi, et on cause évidemment du monde tel qu'il va et tel qu'il devrait être, devrait aller. Il y a des émigrés ensuite qui ont échappé à la France de la réaction après, après Napoléon et qui viennent jouer leur rôle. Je pense en particulier qui... au général Braillet. Absolument. Oui, et puis l'amiral Bruix. Oui, l'aide de camp, le secrétaire particulier de Marquet. De Bolivar, de Marquet. De oui. Marquet, c'est un jeune homme qui vient et qui va d'ailleurs l'accompagner, dans la fin de sa vie. De même que. Le médecin, puisque le médecin qui assiste aux derniers jours de Bolivar et qui ne l'a peut-être pas excellemment soigné est un Français, il s'appelle Prosper Révérend. Passons vite sur ce nom. Ce Révérend n'était pas un toubib efficace, n'est-ce pas ? Peut-être pas. Alors pour vous conduire, Yves Saint-Jour, et nos auditeurs vers ce qui peut être regardé comme la mémoire de Bolivar et naturellement son mythe, j'ai exhumé un reportage fait à Paris, à la porte de Champéret, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Simon Bolivar. On vient, l'ambassadeur de Colombie vient célébrer la statue du grand Bolivar. C'est un reportage diffusé le 23 juillet 1947. Éloquence d'époque, vous nous le direz, en tout cas son d'époque. Eh bien, à 17h30 cet après-midi, près de la porte Champéret, on fête l'anniversaire de la naissance de Bolivar. Bolivar, celui qui, s'inspirant des principes de la Révolution française, de la Révolution de 1789, sut libérer les peuples de l'Amérique latine du joug espagnol. En présence des ambassadeurs des nations sud-américaines, notamment de l'ambassadeur de Colombie, le docteur Fernando Londoño y Londoño, du docteur Antonio Parra Velasco et de monsieur Henri Verniol, la cérémonie commence. Et son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Équateur, le docteur Antonio Parra Velasco, monte à la tribune pour parler de ce grand général. Nous voici de nouveau auprès de toi, ô Bolivar, accompagnés de nos amis français qui ont voulu se joindre à nous pour t'honorer, s'associant à notre émotion. Ce sont les descendants et les continuateurs de ces philosophes qui, écartant les dogmes des autorités traditionnelles et posant la question de la légitimité du pouvoir public, établirent le principe de la souveraineté nationale, droit des citoyens à structurer l'État et droit des peuples à l'indépendance, mettant ainsi en mouvement une des plus grandes forces spirituelles de notre temps. Ce sont les héritiers de ces hommes de 1789 qui firent vivre ce principe dans le sang qui féconde contre les rois coalisés, les armes à la main, aux accords de la Marseillaise, principe qui fut aussi le tien et que tu fis triompher en Amérique hispanique après 20 ans de lutte tenace, acharnée, sublime. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Je me suis trompé, j'en fais l'aveu. Désolé, c'est l'ambassadeur de l'Équateur, le ministre de l'Équateur qui s'exprimait en présence de Fernando Londoño y Londoño, ambassadeur de Colombie. C'est un nom d'ailleurs qui reste familier. Bien oui, puisque c'est le nom de celui qui a signé les accords de paix pour les FARC. Ça, si c'est pas une concordance des temps, un peu superficielle, mais en même temps révélatrice. Elle est formidable, elle est très révélatrice parce que, effectivement, en Colombie, il y a eu moins qu'ailleurs de l'émigration, de l'immigration qui venait un peu partout d'Europe, et il y a des noms qui sont des noms qu'on rencontre tout de suite à l'indépendance et qu'on retrouve 200 ans après. Et de fait, des londoniens, il y en a beaucoup, des Samper, il y en a beaucoup, des Ospina, il y en a beaucoup, des Uribe, il y en a beaucoup, et des Santos, il y en a beaucoup. C'est le signe d'une permanence. Absolument. De la domination d'une classe dirigeante qui Absolument. N'a pas été bousculée par les temps intermédiaires. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'une des questions qui se posent, c'est celle de cette permanence, de cette pérennité, et de cette classe qui évoque les mânes de Bolivar, certainement, hein, avec des termes pompeux, mais qui peut-être ne sont pas tout à fait adaptés à la façon dont les peuples vivent tout ça. Mais je vous mets à l'aise, c'est normal aussi qu'un Équatorien parle, puisqu'au début, Bolivar crée, c'est lui le créateur de ce qu'on a appelé ensuite la Grande Colombie, parce que ça ne s'est jamais appelé la Grande Colombie, on dit maintenant la Grande Colombie, c'est cet État qui réunissait le Venezuela, la Nouvelle-Grenade, Colombie et l'Équateur entre 1821 et 1830. Et donc les Équatoriens considèrent que Bolivar est aussi leur père. Alors avant de quitter Bolivar, je voudrais que vous évoquiez, Yves Saint-Jour, la lettre ultime de Bolivar, qui est tout à fait éclairante, oui, et intéressante et importante pour la suite. Il la rédige quelques semaines avant de mourir ou d'être tué par votre médecin français. Non, il n'a pas été tué, parce que là, ça accréditerait des thèses complotistes. Bon, écoutez, oui, c'est une lettre importante, parce qu'elle dit aussi beaucoup de choses sur le problème dont nous nous entretenons, c'est-à-dire la question de savoir si le régime républicain et libéral, les principes libéraux qui animent Bolivar et qui animent tous ceux qui vont faire l'indépendance, ils veulent une république fondée sur des principes libéraux. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais ils voient très vite les problèmes qui apparaissent, et notamment ceux de l'anarchie, ceux du gouvernement. Et dès 1815, d'ailleurs, Bolivar s'en rend compte dans une lettre, la lettre de la Jamaïque. Il explique que les institutions représentatives ne sont pas adaptées à notre caractère et à nos coutumes. Et il écrit, alors il est désespéré, il est tuberculeux, il va bientôt mourir. Il écrit à un de ses compagnons d'armes, qui est devenu le président de l'Équateur, qui s'appelle Juan José Flores, une lettre désenchantée, mais une lettre qui en dit vraiment très long sur la façon dont il envisage, eh bien, les difficultés à venir. Alors il dit ceci: j'ai gouverné 20 ans et j'en ai tiré que peu de conclusions certaines. La première, tout de même, l'Amérique est ingouvernable. La deuxième, celui qui sert une révolution laboure la mer. La troisième, la seule chose qu'on peut faire en Amérique, c'est émigrer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il essaye de faire, et puis il meurt. La quatrième, le pays tombera nécessairement aux mains de la multitude déchaînée, pour passer ensuite à celle de tyrannos quasi imperceptibles de toute couleur et de toute race. La cinquième, dévoré par tous les crimes et conduit à l'extinction par la férocité, les Européens ne se donneront même pas la peine de nous conquérir. Et la sixième, s'il était possible qu'une partie du monde retourne au chaos primitif, ce seraient les derniers temps de l'Amérique. Tout ça n'est pas très optimiste. Tout ça n'est pas très optimiste, mais je voudrais ajouter un mot. Il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est la Colombie. Il y a une première indépendance entre 1810 et 1816. Et cette première indépendance échoue. Échoue à cause des divisions, des guerres civiles. Tout le monde est en guerre contre tout le monde. On a même appelé ça, cette époque, celle de la patria boba, la patrie sotte, la patrie niaise, la patrie idiote. Parce que elle est incapable de s'organiser. Et ce sont des massacres, des guerres, des destructions. Et puis les Espagnols reviennent. Et là, une répression terrible entre 1816 et 1800, entre 1814-15 et 1819, quand Ferdinand VII étant revenu sur le trône en Europe, eh bien, les Espagnols reviennent. Et on exécute certains des révolutionnaires et des patriotes, notamment Caldas ou Camilo Torres, qui avait fait en 1809 un grand manifeste, égalité, disait-il. Un autre grand personnage. Voilà. Donc on trouve là déjà ce prurit de violence, voilà. Formidable violence, qui va caractériser Exactement. L'entièreté de la suite et qui nous conduit au 19e siècle. Et l'expérience même de Bolivar, qui revient et qui reconquiert, va de nouveau être très difficile, parce qu'il ne va rien réussir à stabiliser, il va devoir finalement s'exiler. Et donc il y a ce sentiment du déjà du désordre de la guerre et de l'impossibilité de construire quelque chose de solide. Mais les faits sont têtus aussi. La Colombie existe, et elle se met à exister petit à petit dans ces tumultes. Et pendant tout le 19e siècle, il y a 10 guerres civiles, des constitutions nombreuses, jusqu'à ce que finalement des coups d'État, très peu de coups d'État, parce que quand on regarde la Colombie, faut le regarder avec des lunettes un peu différentes. Il n'y a pas eu d'armée ou très peu, puisque une armée faible, puisqu'il n'y a pas eu de guerre extérieure. Voilà. C'est un trait qui explique pourquoi il y a eu peu au XXe siècle, peu de coups d'État, contrairement à ce qui s'est passé. Alors, les caudillos sont plutôt des caudillos locaux, des petits seigneurs. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la différence d'autres pays d'Amérique, les caudillos, qui sont toujours au départ des caudillos locaux, qui articulent à partir de leur hacienda, de leur pouvoir économique, qui articulent un espace, bientôt une population, n'ont pas de capacité de se projeter sur l'État en entier, sur le pays en entier. Et donc, il y a finalement peu de coups d'État et finalement, il y a beaucoup de petits caudillos, mais pas de grands caudillos grands au sens de gouverner l'ensemble du pays, qui dirigent les choses. Par exemple, dans les années 1840, il y a une guerre qu'on appelle la Guerra de los Supremos, la guerre des suprêmes, parce qu'ils sont tous chefs suprêmes de l'armée, chefs suprêmes de... Mais c'est toujours dans des régions. Et pendant ce temps-là, en réalité, on essaye toujours d'avoir une constitution, un pouvoir civil, et il n'y a pas d'armée pour l'ensemble, ou peu d'armées pour l'ensemble du pays, ça dure très très longtemps. Toujours ces forces centrifuges qui marquent cette histoire de la Colombie, exactement, dont nous parlons ce matin, Yves Saint-Jour, au cours de... Et avec des villes qui articulent des régions, avec Bogota qui n'arrive pas véritablement, avant le début du XXe siècle, à finalement être la plus grosse ville de l'ensemble. Il y a Barranquilla, il y a Medellín, il y a Cali, il y a Bogota, il y a beaucoup de villes qui chacune a sa propre bourgeoisie, sa propre économie, sa propre politique. Avec de ce fait, de la part des présidents, quand ils s'efforcent de centraliser leur pouvoir, une méfiance à l'égard de la liberté qui est en contraste violent avec l'héritage des Lumières. Je relève que le président Núñez, qui a régné 2 ans seulement, de 80 à 82, exprimait une profonde méfiance à l'égard de la liberté. Il écrit en 1886, « Nous avons fait de la liberté humaine un idéal stupide. » Voilà. « Un idéal stupide, semblable aux idoles sanglantes des tribus barbares. » Rien que ça. C'est ça. « Source fangeuse de dispositions aveugles qui perturbent le jugement et finissent par plonger chaque citoyen dans la plus déplorable des servitudes, la dépression morale. » La liberté contre, finalement, le courage de soi. Et on arrive à ce sentiment un peu décliniste permanent que les observateurs trouvent en Colombie, cet auto-dénigrement. C'est un petit peu ça qui se passe. Et c'est vrai que... Mais c'est vrai aussi parce que Núñez, il répond à ce qui s'est passé précédemment et qui a été une période très étonnante. Qui est une période libérale et même radicale, puisqu'il y a des constitutions qui ont été adoptées et qui font de la Colombie en réalité une confédération. Chaque zone est totalement indépendante par rapport aux autres. Il n'y a pas d'armée ou pratiquement pas d'armée. Il y a une liberté totale. Elle est très laïque, cette république. Et alors évidemment, en réalité, de nouveau, ça ne fonctionne pas. Et donc Núñez qui va créer ce qu'on appelle la régénération et installer le pouvoir conservateur pour longtemps, puisqu'il y a une constitution qui va s'imposer pour plus de 100 ans en Colombie, 1886-1991. Eh bien Núñez, voilà, il dit qu'il faut arrêter le particularisme énervant et passer à la généralité, voilà, qui structure. Enfin, on trouve dans cette période-là les origines de cette violence, en effet, propre à ce pays, qui impressionne aujourd'hui encore, et à quoi on s'efforce ces jours-ci de mettre fin. Je voudrais, pour vous y conduire, vous donner un reportage qui a été fait à Bogota sur la population colombienne déplacée. Vous allez voir l'intensité de la douleur qu'un grand nombre de Colombiens ont subi dans leur chair ou dans celle de leurs proches. C'est un reportage de Jean-Marc Four sur France Inter le 28 mai 2010 avec l'interview d'un Indien colombien qui a été déplacé dans un camp de réfugiés et dont le fils a été enlevé par les FARC. Nous allons voir que cette violence-là s'enracine dès le début du XXe siècle. Écoutons-le. En février dernier, dans le sud du pays, une soixantaine de familles indiennes Awa venaient d'être chassées de leur territoire par la violence. Gerardo Pai, l'un de ces Indiens déplacés par la violence. Ah, yo me tocó salir allá porque j'ai été obligé de m'enfuir parce que mon fils s'est fait embarquer. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, où il est. Ils sont arrivés, ils me l'ont pris, ils me l'ont emmené. Ils ont dit qu'ils étaient les FARC. Ils l'ont roué de coups de pied, ils lui ont coupé l'oreille. Ils ont aussi coupé l'oreille d'un de mes neveux. Ils ont fouillé toute la maison. La petite là qui est ici avec moi, ils l'ont ligotée pendant qu'ils emmenaient mon fils. C'était déjà un des principaux problèmes des années 90 en Colombie, problème qui a explosé dans les années 2000. Aujourd'hui, 8 ans après l'arrivée d'Alvaro Uribe au pouvoir, la Colombie a plus de population déplacée que n'importe quel autre pays au monde. Jorge Rojas. En estos 8 años se produjeron durant ces 8 dernières années, plus de 2 100 000 personnes ont été déplacées, beaucoup plus que durant les deux présidences antérieures. Du point de vue humanitaire, c'est un désastre qui montre que le gouvernement n'avait pas réellement l'intention de protéger ses populations. Ou autrement dit, que la sécurité est plus importante que les droits humains. Et qu'en matière de sécurité, la fin justifie les moyens. Il semblerait que la sécurité soit réservée aux grands propriétaires terriens, aux grands industriels, aux éleveurs, aux commerçants, et qu'elle ne soit pas pour les paysans, les travailleurs, les syndicalistes ou les exclus. Les exclus, on y revient toujours. Yves Saint-Jour, c'était un reportage à Bogota de Zoé Berry dans l'émission, donc je le disais, de Jean-Marc Four. Et pourtant, elle tourne. Nous sommes à Blois, en direct et en public pour les rendez-vous de l'histoire de Blois. Et nous parlons de la Colombie dans la longue durée. Yves Saint-Jour, cette violence-là, on la trouve évidente dès le début du XXe siècle, avec cette fameuse période en particulier de la guerre des mille jours, tout à fait inconnue ici, mais d'une grande brutalité. Oui, d'une très grande brutalité, parce qu'elle fait sans doute 100 000 morts. Elle est d'ailleurs évoquée d'une certaine façon par 100 ans de solitude, hein, puisque beaucoup de choses se passent dans ce nord colombien. De Gabriel García Márquez. Et elle va... c'est une des guerres civiles entre les conservateurs et les libéraux, parce que là, de nouveau, il faut chausser de nouvelles lunettes. Oui, ce bipartisme, c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe. C'est absolument fondamental pour comprendre ce qui se passe. Dès les années 1840, se crée le Parti conservateur et le Parti libéral. Alors, on se dit, voilà quelque chose qui ressemble à la modernité, hein, un pays républicain avec deux partis, etc. Mais comme il n'y a pas d'État, en réalité, et qu'il n'y a pas de structure de coordination et d'arbitrage et d'autorité et de violence légitime, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, quand vous avez deux parties, vous avez le conflit. Et vous avez le conflit permanent qui s'exprime à travers des guerres, civiles. Il n'y a pas de composante sociale de l'opposition des partis. Les deux partis, en somme, comprennent à la fois des classes dirigeantes et des classes défavorisées. Absolument, ce sont des partis qui ne sont pas des partis de classe, qui sont des partis verticaux, qui vont effectivement des gens puissants aux agriculteurs, aux manouvriers, si j'ose dire, aux peones. La solidarité, en somme, partisane, est plus forte que la conscience de classe. Exactement, elle est plus forte que la conscience de classe. On est dans un parti et on y reste. Et pendant longtemps, il y a eu des choses structurantes sur ces deux parties, notamment la question de l'Église, hein, et de la laïcité. Et puis, il y a une deuxième chose très, très importante, c'était « est-on centraliste, est-on fédéraliste ?» Et alors, les libéraux sont plutôt fédéralistes, ancêtres Santander, et puis les conservateurs sont plutôt centralistes, ancêtres Bolivar. Là, on retrouve un peu les débuts de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Exactement. Mais le problème dans les États-Unis, puisqu'ils sont États-Unis pendant quelque temps de la Colombie, ben c'est précisément qu'il n'y a pas... Il n'y a pas véritablement de choses pour cimenter. Donc, il y a toutes ces guerres civiles qui sont très dures et qui passent presque toujours, qui se passent presque toujours dans les campagnes et qui font que les gens s'en vont, que les terres sont accaparées et qu'il y a effectivement de très grandes violences qui ont lieu à ce moment-là. Est-ce qu'on retrouve toujours la trace de ce bipartisme dans l'opposition entre le président Uribe, l'homme de la dureté à l'égard des FARC, et le président Santos, tout neuf prix Nobel de la paix, qui a réussi à signer un accord avec les FARC? Le bipartisme dure jusqu'à l'an 2000, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et depuis ce moment-là, et Uribe et Santos, qui venaient l'un et l'autre du Parti libéral, ont créé leur propre structure et se sont affranchis de ce bipartisme qui, il faut le reconnaître, était devenu une espèce de structuration traditionnelle qui laissait de côté tant de gens des villes, dans la société. Il est assez compréhensible que le système ait fini par éclater. Mais il a eu beaucoup de mal à éclater. Et il a eu beaucoup de mal à éclater puisque pendant tout le XXe siècle, en réalité, à chaque fois que quelque chose se produisait, eh bien, par exemple, des créations de partis, des choses nouvelles à l'intérieur, des classes urbaines, etc. Toujours, c'était littéralement phagocyté par le parti conservateur ou le parti libéral. En tout cas, la guerre des mille jours, 1899-1902, a quand même une conséquence. C'est que la Colombie perd une partie de son territoire puisque les États-Unis en tirent profit. Les États-Unis en tirent profit. Et d'ailleurs, la paix est signé sur un bateau américain qui s'appelle Wisconsin. Ça, c'est et le Panama devient indépendant en 1903. Un vrai symbole signé sur un bateau absolument américain. Absolument. Le Panama est arraché parce que c'est commode pour les Américains. Voilà. On se rappelle que la France avait, avec des conditions de politique intérieure, échoué à faire un canal de Panama. Les Américains y réussissent. Est-ce que ça reste une blessure au flanc de la Colombie aujourd'hui? Oui, ça reste une blessure, mais encore une fois, compte tenu de la façon dont le pays a vécu tout ce 19e siècle et le début du 20e, je dirais que c'est pas du tout l'irrédentisme qu'on peut trouver dans d'autres endroits. Le moment de ce qu'on a appelé le Bogotazo est intéressant aussi en avril 1948, car pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, on trouve là aussi des éléments intéressants et éclairants. Eh bien oui, justement, je parlais des partis. Apparaissent dans toute l'Amérique, et pas seulement en Amérique, d'ailleurs, des leaders qu'on appelle par commodité populistes. Et il y en a un qui apparaît aussi en Colombie, il s'appelle Jorge Eliécer Gaitán. C'est le seul. Et il a une caractéristique, c'est qu'il crée un parti qui s'appelle Unir, ce parti échoue, et donc il redevient libéral, qui est sa famille depuis le début. Il est né dans une famille libérale, il est libéral. Et donc, c'est un populiste, mais un populiste d'une partie de la Colombie, d'une partie de la société, puisque de nouveau, on est encore dans la grille conservateurs-libéraux. Et ce leader, qui est un leader assez compliqué, assez complexe à comprendre, parce qu'il a des côtés, il a fait quelques études en Italie, au temps de Mussolini, et puis il a des aspects aussi, un discours un peu de régénérescence, qui fait penser aussi à ce qu'était, aux inquiétudes bolivariennes, un tout petit peu, sur cet état de nature dans lequel l'Amérique était en train de rentrer. On l'a parfois comparé à Perón. Parce qu'effectivement, il mène les foules et puis les gens ont des chemises rouges, ils font des grandes manifestations et il les galvanise. Et il est assassiné. Il est assassiné le 9 avril 1948. On peut signaler à titre anecdotique que Fidel Castro est dans la ville. Le jour même, il a 22 ans, quelque chose comme ça, effectivement. Et il est là, et il est là au nom, justement, de ces mouvements. Parce que les mêmes jours, on crée l'Organisation des États américains, à Bogota. Et donc, il y a des manifestations aussi contre ça, parce que c'est sous l'emprise des États-Unis dans le cadre de la guerre froide. Il ne faut jamais oublier. Donc, il est assassiné sous les yeux de la presse internationale. Voilà, il est assassiné sous les yeux de la presse internationale. Et ce qui se passe aussi sous les yeux de la presse internationale, c'est le Bogotazo. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une émotion populaire qui fait que pendant des heures, la ville est mise à sac. Plus de 1000 personnes sont tuées, les églises sont brûlées, les commerces sont pillés, etc. Et donc, il y a une espèce de grande barbarie, c'est ce que va dire le président Ospina, c'est-à-dire revenant sur cette espèce de fantasme, toujours de la barbarie, du désordre de la Colombie, qui se déploie. D'ailleurs, il y a un geste assez assez, comment dire, symbolique. On interdit la chicha, cette boisson fermentée de maïs qui est très populaire à ce moment-là, parce que on désigne le peuple. C'est lui qui s'est livré à cette barbarie, à ces désordres. On sent vraiment une inquiétude des classes dirigeantes. Absolument. Il faut quand même rappeler qu'il n'aimait pas beaucoup, même au sein du Parti libéral, il n'aimait pas beaucoup Gaétane, parce qu'il n'aimait pas ces espèces de ferveurs populaires. Et il y a une grande inquiétude au sein des classes dirigeantes. Et puis, d'une part, il y a cette émeute. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la violencia, c'est-à-dire que pour plus de 10 ans, le pays, de nouveau, est livré à des désordres, des pillages, des guerres intestines qui vont faire 250 000 morts. Et le peuple, c'est vrai qu'il est très pauvre. On nous dit que 0,4% de la population possède 40% des terres. Absolument. Et que 70% ne détiennent que 5%. Donc c'est une inégalité formidable, plus grande que dans d'autres pays d'Amérique latine encore, et qui est à la source de toutes les difficultés du siècle suivant. Beaucoup des luttes et des guerres intestines et des guerres civiles, etc., avaient déjà eu la question agraire comme principal motif. Et c'est vrai que là, de nouveau, même si ça a commencé en ville, c'est bien dans les campagnes que la violence va se déployer, avec une atrocité qui est absolument épouvantable, au point qu'on va reparler de cet état de nature, et avec des centaines de milliers de morts, avec de nouveau des oppositions libéraux et conservateurs, mais très artificielle en réalité. Ça dépendait des vengeances, des choses de ce genre. Et ça s'appelle la violence avec un grand V. La violencia, parce que on peut pas dire qui est responsable. Tout le monde est responsable. C'est une espèce de chose comme ça dont on ne sait pas comment la qualifier. En tout cas, c'est le terreau sur lequel va fleurir cette donnée majeure qui nous réunit aujourd'hui, Yves Saint-Jour, puisque nous parlons de la paix en marche, c'est-à-dire la naissance et le développement des FARC qui ont été étudiés remarquablement par Daniel Pecaud. Les FARC, nous inspirons de ces travaux. Comment peut-on expliquer leur apparition, leur développement et leur évolution entre marxisme et narcotrafic dans les 50 ans, 52 ans qui suivent, puisque c'est la fin de ces 52 ans que nous considérons ce matin. Alors, ce qui se passe après la violence, c'est que, ou pendant la violence d'ailleurs, c'est que on voit bien que le pouvoir politique, le système de représentation n'a pas véritablement prise. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un des rares coups d'État qui ont eu lieu en Colombie, a eu lieu en 1953 avec un général, Rojas Pinilla, à qui on a demandé de repartir du pouvoir assez vite, une fois que les choses avaient été un tout petit peu stabilisées et que libéraux, conservateurs, de nouveau fonctionnaient. Et justement, en réalité, ils ont mis un système en place qu'on appelle le Front National, il faut bien l'appeler par son nom, mais c'était un Frente National, qui continuait de faire alterner libéraux et conservateurs, je vais vite, mais qui ne répondait en rien aux demandes de toutes sortes qui venaient de la société, à la fois une société de plus en plus urbaine et une société dont les questions rurales, sociales n'étaient absolument pas réglées. Et dans ce pays où toujours il n'y avait pas d'articulation bien faite du territoire, des espaces immenses vides, eh bien, dans le moment, il ne faut pas l'oublier, on est tout de suite après la révolution cubaine, on est encore dans ces moments, même si c'est la détente de post-guerre froide, eh bien, il va y avoir un parti communiste, et puis une guérilla, ou des guérillas, parce qu'elles sont nombreuses à cette époque. Toujours la dispersion, avec il y a plusieurs guérillas qui se créent dans les années 60 et qui vont dans une grande partie du pays bien contester le pouvoir central, s'installer dans des régions entières et organiser, articuler les espaces ruraux. C'est ça qui s'est passé. Avec une évolution, puisqu'au début, ils sont surtout mus par des doctrines proches du marxisme dans le climat de l'époque, et progressivement, ils vont, pour une part d'entre eux, glisser vers des moyens de trouver de l'argent qui sont maintenant connus, puisque c'est-à-dire d'une part le trafic de cocaïne et puis les enlèvements. L'enlèvement de Ingrid Betancourt a évidemment incarné ça aux yeux des Français. C'est une des raisons, des moments où on a le plus parlé de la Colombie. Exactement. Alors il y a plusieurs époques, pour aller très vite. Il y a une première époque, effectivement, de guérilla, on va les appeler marxistes ou guévaristes pour faire simple. Et puis ensuite, d'ailleurs à cette époque, il n'y a pas de culture tellement de coca en Colombie. Elle vient plutôt d'Équateur, de Bolivie, du Pérou. Elle est simplement transformée et évacuée. Parce qu'évidemment, la Colombie, c'est le lieu de passage. C'est à la fois les Andes où on cultive la coca et le lieu de passage vers la Caraïbe. Enfin, Escobar va arriver. Voilà. Alors, à partir des années 80, il commence à faire de la coca. L'économie de la drogue s'installe. Et à la fin des années 80, c'est vraiment, on arrive à un moment extraordinairement dur. Il y a eu un premier moment dont on se souvient peut-être pas, de la brutalité tout à fait à la fin des années 80. Une partie, c'est aussi la chute du mur de Berlin. Une partie des guérillas rendent les armes, notamment une partie du M19, crée même un parti politique qui s'appelle l'Union Patriotique, et il y a une autre EPL qui rend les armes, etc. Et à ce moment-là, eh bien, les narcos, des paramilitaires, se mettent à assassiner tous les gens qui sont rentrés dans la vie civile. Toujours cette violence, que une violence incroyable. On tue les candidats les uns après les autres. Moi, à ce moment-là, j'étais dans les parages. Témoignage personnel, comme jeune diplomate. Et en 1989, on tue le candidat libéral qui était Galán, qui était réformateur. On tue le représentant de ce parti Union Patriotique, Jaramillo. On tue le représentant un peu légal du M19, qui s'appelle Pizarro. On tue tout le monde. Et donc, eh bien, il faut reconnaître qu'à ce moment-là, entre le narco et les guérillas, tout recommence. Il y a un moment de pacification et puis tout recommence à la fin des années 90 et à la fin du siècle, en quelque sorte. Le cartel de Medellín, d'Escobar, qui finit par être arrêté et mourir en 1995. On comprend mieux, en vous écoutant, cette violence permanente, pourquoi l'enjeu a été, entre les deux présidents, Uribe et Santos actuellement, de savoir quelle politique on aurait à l'égard des FARC. Quand arrive le président Uribe, c'est-à-dire en 2002, il annonce qu'il va être impitoyable. Et on a un reportage sur France 2, du journal de 13h, d'Arnaud Miguet, que je vais vous faire entendre. Ce sera notre dernière archive, je vous en préviens, qui a été tout à fait représentative. Écoutez ce qu'il dit de la nouvelle politique du président colombien, dont je rappelle qu'aujourd'hui, il est l'adversaire principal du président Santos, en lui reprochant d'être trop mou. Le nouveau président colombien Alvaro Uribe a choisi la méthode forte pour tenter d'enrayer l'explosion de violence qui secoue le pays andin depuis sa prise de fonction. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, l'état d'urgence pour 90 jours au moins a été décrété aujourd'hui et un nouvel impôt extraordinaire devrait renforcer les moyens de l'armée dans sa lutte contre la guérilla. Création de 2 troupes d'élite et 10 000 postes de policiers en plus. Alvaro Uribe, avocat de 50 ans, avait été élu massivement en mai dernier pour mater la guérilla. Considéré comme un homme à poigne, son père avait été assassiné et lui-même a déjà échappé à 15 tentatives d'attentat. Mercredi dernier, alors même qu'il est investi président, 3 explosions frappent le palais présidentiel, ainsi qu'un bidonville voisin. 21 personnes tuées, 50 autres blessées. Des attentats attribués aux FARC, guérilla la plus active du pays, d'obédience marxiste. Les FARC contrôlent un territoire de non-droit, grand comme la Suisse. Mais ce n'est pas le seul groupe terroriste en Colombie. Samedi dernier, une opération coup de poing de l'armée éliminait 20 combattants d'un groupe de narco-terroristes d'extrême droite. Illustration de la répression promise par le nouveau président, cette politique exacerbe un peu plus la violence des groupes armés. La preuve, 115 personnes ont été tuées en une seule semaine. C'est un long martyrologe, Yves Saint-Jour. Alors, de fait, à la fin des années du XXe siècle, les FARC sont devenues très fortes. Hein, ils ont pratiquement 20 000 combattants. Et quand Alvaro Uribe arrive, il arrive sur. Il est élu dès le premier tour. Il n'est pas libéral. Il est élu pour faire la guerre, en quelque sorte. Il le dit. Des mandats de 4 ans, comme aux États-Unis. Voilà, des mandats de 4 ans. Il sera d'ailleurs réélu triomphalement avec plus de 60% des voix 4 ans plus tard pour faire la guerre. Et il l'a fait avec du renseignement, avec des avions, avec des hélicoptères, avec des forces spéciales. Il multiplie beaucoup les moyens militaires, tandis qu'il continue de faire ce qu'on appelle le plan Colombie avec l'aide des États-Unis pour l'éradication des cultures. Donc, il le fait. On lui a beaucoup reproché aussi d'avoir été clément avec les paramilitaires, parce qu'il y a les forces paramilitaires qui sont aussi extrêmement violentes. Et il y a des scandales, puisque, par exemple, en 2008, il y a l'affaire des faux positifs, c'est-à-dire ces gens que les militaires tuaient pour faire croire que c'était des guerrilleros, etc. Mais alors pourquoi ce sera vos derniers mots, hélas, oui. Quelle frustration. Pourquoi le nom, finalement? Pourquoi est-ce que, et comment est-ce qu'on peut, en quelques mots, faire la sociologie? Santos, il était son ministre de la Défense, il a dit, voilà, je fais comme Rabin, si j'ose dire, je continue la guerre, mais je négocie, sans tenir compte de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller jusqu'à la paix. Mais voilà, on est dans une grande démocratie. Un, il est impopulaire pour d'autres raisons. Deux, il y a tout le passé de ces souffrances, de ces gens qu'on a exclus, des 7 millions de déplacés, etc. C'est eux qui votent non et non pas les classes bourgeoises. C'est eux qui votent, c'est souvent eux qui votent non. Il y a aussi un fait tout simple, c'est qu'effectivement, les FARC, les chefs des FARC, s'ils admettent qu'ils ont fait des exactions, ils ne seront pas mis en prison. Ils seront des peines, mais ils ne seront pas mis en prison. Et puis, il y aura aussi des éléments de liés à au narcotrafic, liés à l'agriculture. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font que les gens ont dit un petit peu non. Et puis aussi d'autres circonstances qui sont liées à la vie politique intérieure. Enfin, on peut souhaiter que les Colombiens soient le plus nombreux possible à porter la petite colombe blanche que je vous voyais manier tout à l'heure, voilà. avec affection. Merci beaucoup Yves Saint-Jour. Vous avez publié, il y a déjà longtemps, mais il faut absolument la rééditer, avec Marie-Danielle Demelas, vous avez publié Une vie quotidienne en Amérique du Sud au temps de Simon Bolivar, 1809-1830, paru chez Hachette. Je voudrais surtout pas l'omettre, annoncer la parution du hors-série Partir, une coédition entre Le Monde et France Culture, que je conseille à tous nos auditeurs et en particulier au très aimable auditoire qui est devant moi en direct et en public à Blois. Jean-Pierre Minoudier a publié Une histoire de la Colombie, de la conquête à nos jours, L'Harmattan, 1992. Daniel Pecot, je l'ai cité chemin faisant, c'est un grand spécialiste des FARC en particulier, très pessimiste d'ailleurs toujours, je ne sais pas s'il a raison, une guérilla sans fin, Ligne de repère 2008, et puis Jean-Michel Blanquer nous annonce un que sais-je sur l'histoire de la Colombie, bibliographie à trouver plus complète, vous le savez, sur notre site, le site de Concordance des temps, vous pourrez télécharger cette émission. Et comme disait Alain Finkielkraut tout à l'heure, pour l'éternité. Après tout, j'ai autant d'ambition que lui. Samedi prochain, nous parlerons avec Hervé Drévillon du commerce des armes. Rafales, navires, chars et missiles aux racines lointaines d'un âpre commerce. C'était Concordance des temps. Oui, laissez-moi tout de même dire le nom de cette émission. C'était Concordance des temps et le mien, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, Nathalie Lempereur, réalisée par Patrick Molinier, avec à la technique Benjamin Thuo, Jean-Pierre Pernel, Christophe Goudin et Roland Dandalex, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et pour les archives de l'INA, Sandra Escamez. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères qui me pardonnera peut-être les 19 secondes de retard en direct de Blois.